Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, le lundi en direct sur l'antenne du 94 MHz Canal B ou aussi canalb.fr, également à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Ça c'est pour les podcasts, les playlists, les liens et savoir pas mal d'autres choses sur les programmations hebdomadaires de l'Asile le plus sûr. Émission en direct comme chaque semaine en cette veille de 1er novembre. Voilà, on va attaquer avec un groupe américain de Boston qu'on suit depuis quasiment l'origine. Il s'agit de Geriatos qui viennent d'être signés sur le mythique label DFA qui leur a sorti un nouvel album au printemps dernier, Eraser Stargazer. Ils ont aussi sorti un live à Nashville très très récemment ainsi qu'un split remix d'ailleurs avec Giant Claw. Ça s'est sorti sur Orange Milk Records pour le projet mené par la chanteuse Cassie Carlson alias Jane Lahonde qui elle aussi a sorti des choses notamment sur Feeding Tube, notamment des cassettes. Et je propose d'attaquer avec le disque avec lequel on les avait presque découverts. Ils avaient sorti juste un album sur Tzadik juste avant ce disque qui était sorti aux éditions NNA Tapes sous le titre Gay Disco. C'était sorti à la fin de l'année 2013. Et pourquoi je vous passe Geriatos cette semaine? Parce que je pensais qu'on allait pouvoir peut-être les voir à Rennes mercredi 16 novembre grâce à Bruno Dumondo Bizarro. Il semblerait que ce soit déprogrammé. Voilà, donc ça ne figure pas sur le programme de Dumondo, contrairement aux autres agendas concerts du moment. Ça a dû être déprogrammé en toute dernière minute. Alors peut-être qu'il s'agit d'une erreur. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir sur le Facebook de Geriatos ou d'autres informations, peut-être à partir du Facebook de monsieur Bruno Mondo et Geriatos, donc qui ont pas mal évolué depuis leur origine. À l'époque, ça faisait pas mal sens penser à un croisement entre Erase, Errata et les productions de Skingraft. Maintenant, c'est nettement plus post-punk, avec un petit côté Bush Tetras, par exemple, pour les Guerillatos. En tout cas, on les écoute dans ce qu'ils produisaient de meilleur il y a de ça 2 ans et demi. We'll be right back. À l'instant, l'asile de plus sur une petite séquence pour se mettre en jambe, peut-être pour se remettre du week-end et préparer la soirée à venir. On a démarré avec le Bon Jovi, Gyriatos, et un disque qui était paru à la fin de l'année 2013 sur NNA Tapes sous le titre Gay Disco. Les Américains qui viennent de faire paraître un live in Nashville, c'est sorti un petit peu avant l'été, je crois, sur Feeding Tube Records, un label auquel ils sont abonnés depuis pas mal d'années également, et on a enchaîné avec une toute nouveauté et le disque de Radiant, l'excellent On Dark Silent Off, qui va sortir ces jours-ci sur Sweet Jockey. Ça sort le 11 novembre, cette nouvelle production qui doit être la 7e ou la 8e en date, quelque chose comme ça, pour le trio d'improvisation électrosonique d'origine autrichienne, entre le percussionniste et électroacousticien aussi Martin de Brandelmeyer, le bassiste électro John Norman et la guitare plutôt acérée de Martin Sievert. Voilà donc une formation qui existe depuis le milieu des années 90 ou la fin des années 90, les Radiants et l'excellent On Dark Silent Off. On enchaîne avec une autre toute nouveauté, et il s'agit de Massico, le quatuor d'origine helvète qui réunit notamment une guitare assez acérée aussi, une basse plutôt trafiquée, un violon électrique et une batterie pas mal décalée. On avait pu les découvrir notamment à l'occasion de leur précédent opus qui s'intitulait Morse, qui était sorti comme le premier d'ailleurs sur les éditions Emoncus et du Tofu en coproduction avec Red Wing. C'était sorti au printemps de cette année, au mois de mai de cette année, ce second LP du quatuor féminin, et qui reviennent donc avec un opus maxi, un 25 cm sous le titre Suri Grouti. C'est sorti sur Harbinger Sound, qui est une très très bonne étiquette britannique, si je ne m'abuse, qui sort pas mal de choses un petit peu industrielles, mais pas que, du free rock et de la musique noise dans tous les sens. Je propose d'écouter un extrait de cette face A du EP de Massico, Suri Grouti, et le morceau lui-même d'ailleurs, donc une musique qui a pas mal évolué pour les Massico. Cette fois-ci, c'est une musique nettement plus cérébrale, mais qui fait toujours pas mal danser. On écoute Massico. Thank you. Une séquence de Noise de Toussaint qui a démarré avec un petit album de Massico de derrière les fagots pour le quatuor féminin de Genève, mené d'ailleurs par Simone Aubert, la guitariste que vous pouvez retrouver au Transmusical cette année au sein du duo Hyperkult qui est programmé au 38e rencontre Transmusical. Ce sera à l'Ubu le 2 décembre pour un focus suisse avec deux autres formations, Pyrit et Sandor. C'est donc ce mois de décembre, le 2, à partir de 16h30, et ce sera gratuit à l'Ubu, qu'on se le dise. Et donc Massico avec ce maxi publié aux éditions Harbinger Sound sous le titre Suri Grutti, qui est une musique plutôt très très chouette d'ailleurs pour accompagner le changement d'heure. Voilà. Et on a enchaîné avec Gabriel Hibert, le retour du batteur multi-instrumentiste, lui aussi assez noise, de Toulouse, qui a fait partie de pas mal de formations dans les années 2000, notamment Gilles de la Tourette. On l'avait découvert avec son premier album autoproduit Désenvoûtement, qui nous avait beaucoup fait plaisir. Et le second, qui était aussi plutôt pas mal. Non, le premier c'était Peindre et ne rien foutre, très très beau titre d'ailleurs. Désenvoûtement, c'était le second, et il revient donc avec un album, cette fois-ci peut-être on peut dire l'album officiel, sous le titre Abducté, donc un vinyle cette fois, les dernières fois c'était plutôt du CDR, et c'est coproduit par quantité de labels qui se sont réunis pour sortir ça, notamment les Lillois de Tandoori Records, ainsi que Who's Brain, Ship Satanism, Permafrost, également les Rennais de KDB sont de la partie pour cette production, et Atypique Music pour la production numérique de ce disque donc de Gabriel Hibert, qui est plutôt pas mal. Abducté, très très beau titre. Alors c'est plutôt dans une genre de musique un peu, on pourrait dire, un peu noise, un petit peu façon désenvoûtement, comme il sait faire, donc post-rock assez habité. C'est de plus en plus planant d'ailleurs, la musique de Gabriel Hibert. Et on va continuer avec le retour de l'Australien Oren Ambarchi, excellent multi-instrumentiste qu'on avait découvert au début des années 2000 quand il commençait à se produire en Europe, cet Australien, et a joué avec pas mal de gens. On l'avait découvert à l'époque où il jouait avec son camarade Robbie Avenheim. Ils avaient sorti un disque tous les deux sur Tzadik sous leur propre nom d'ailleurs, et on avait eu l'occasion d'ailleurs aussi de le faire jouer en compagnie de Kisro à Rennes. Et donc en Barchi, bah, une carrière très très très nourrie, tant à la guitare qu'à l'électronique. Il a sorti pas mal de disques fort intéressants sur Touch, et également à la batterie ces dernières années pour pas mal de disques qui convoquent une genre de post-rock, on pourrait dire, ou de musique électro-acoustique motorique, notamment je pense à l'excellent Sagittarian Domain qui était sorti aux éditions Imego en 2014, qui était vraiment fantastique. Il y a eu aussi Kick Sauti, puis pas mal d'autres, les séries de Notes également, les éditions Imego qui récidivent avec un nouvel opus sous le titre Hubris, trois pièces, deux très longues et une beaucoup plus courte, dans lesquelles on le retrouve aux côtés de quantité de musiciens importants des scènes des musiques innovatrices, notamment Jim O'Rourke et de la partie sur ce disque, ainsi que Mark Fell, Joe Talia qui est un autre Australien qui est un compère régulier des productions de Monsieur Ambarchi, Ricardo Villalobos également, et sur ce disque, ainsi que Chris Cole avec qui il se produit également régulièrement. Je propose d'écouter un bout de cette excellente face B, la partie 3 de ce vinyle aux éditions Imego de cet album Hubris, et on le retrouve aux côtés de Arto Lindsay à la guitare, ainsi que Keith Fullerton Whitman. Et à la batterie, c'est monsieur Will Guthrie qui s'y colle, le Nantais Will Guthrie. Bon, on va écouter une partie de cette pièce et on va commencer vers la minute 3:53. On écoute Oren Ambarchi dans l'Asile le plus sûr. Dans l'asile de plusieurs sur antenne du 94 MHz, double dose de production récente du label Imego. Tout d'abord, l'excellent Hubris par Oren Ambarchi, musique qui faisait pas mal penser à un genre de croisement entre du King Crimson de l'époque, peut-être Discipline, avec peut-être des choses un petit peu motoriques des années 70, ainsi qu'un certain post-punk du début des années 80 pour les croisements de Ambarchi avec Embarqué. Il fallait la faire celle-là. Tout un tas de musiciens, notamment ses compatriotes Joe Italia, batterie et basse, ainsi que Will Guthrie, qui lui est exilé à Nantes. Et puis pas mal de bidouillerie électronique, notamment grâce à Keith Fullerton Whitman, qui ne s'occupe plus de son label Krillpone, mais qui produit plutôt avec d'autres musiciens, un petit peu moins actifs aussi en tant que producteur sous son nom. Et puis pas mal d'autres gens, notamment la plasticienne sonore Chris Cole, voilà pour l'excellent Oren Ambarchi, qui produit aussi des choses sur sa propre marque de disques, et ce depuis quelques années, voilà. Et puis bon, quantité de disques, hein, comme je disais, en veux-tu, en voilà. Et puis de projets collaboratifs, notamment aux côtés de Sun, avec lequel il a fait un bout de chemin pendant pas mal d'années, et son label donc c'est Black Truffle. Et on a enchaîné avec Jung an Tagen et le disque Das Fest der Rechen, produit donc par le label viennois Imego, pour cette production d'un musicien que je ne connaissais pas du tout, qui répond au nom de Stefan Jutster, qui a fait partie de pas mal de projets et qui a sorti des choses sous différents alias apparemment, notamment aux éditions Not Not Fun ou encore Blackest Rainbow, et qui fait partie d'un collectif de plasticien sonore viennois qui appartient au Virtual Institute de Vienne et qui utilise les techniques de synthèse soustractive et de sampling 3.0, on va dire. Voilà pour des figures un peu polyrythmiques et aussi un peu fractales pour ce projet Jung an Tagen. Donc apparemment il y avait eu d'autres productions sous ce même alias, notamment aux éditions Orange Milk. Et Et donc on le découvre avec ce disque qui sort ces jours-ci, hein, donc fin octobre. Quant au disque d'Oren Ambarchi, il va sortir d'ici quelques jours. Voilà, on continue avec une production d'un label qu'on suit aussi de plus en plus, avec des productions de plus en plus incroyables. Il s'agit de l'excellent label originaire de Londres, fondé à la fin des années 90 par Alan Kay. Il s'agit de Entract, label qui est désormais basé à Anvers, en Belgique, et qui a une production vraiment très très bonne. Vous avez passé les disques de Laurent Ferron et le projet 2x3i. Voilà, et le disque Ferenis, ça c'était à la rentrée du mois de septembre. Et puis pas mal de productions en cours, notamment des disques de Joachim Nordwall et de Yves Demey, et des disques en préparation, notamment un disque qui risque d'être assez fameux, de l'excellent contrebassiste, lui aussi d'origine australienne, Mike Majkowski, qui vit à Berlin. Et là, je propose d'écouter la rencontre entre Valerio Tricoli, l'excellent Valerio Tricoli qu'on a rencontré aussi dans pas mal de choses, et notamment son projet Three Quarter Had Been Eliminated, et puis des productions du label Pan Records. On vous en parle aussi quasiment toutes les semaines. Il est de retour cette fois aux côtés de Hanno Lechtmann, qui est un batteur et multi-instrumentiste électroacousticien basé en Allemagne, qu'on avait découvert avec un disque aux éditions Decorder, The African Twin Tower Suit, qui nous avait beaucoup plu en 2011. Puis par la suite, on a écouté beaucoup ses productions, notamment au sein du Danceland, le projet qu'il réunit aux côtés de Hannes Strobel et de David Moss à la voix, une sorte de musique un peu post-noise, un peu déstructurée et expérimentale. Et donc tous les deux, Hanno Lechtmann et Valerio Tricoli, se sont fondus de deux pièces particulièrement fameuse dans l'électroacoustique sous le titre The Future of Discipline, et ça va faire une très très bon mix pour la Toussaint et les festivités d'Halloween. Thank you. Thank you. fervents spinozistes mirent en circulation au XIXe siècle la plaisanterie suivante. Si vraiment tout dans la nature avait un but et une utilité, on ne pourrait expliquer l'existence de frères siamois que par la volonté de Dieu d'offrir de temps en temps aux cannibales la possibilité de manger eux aussi une philippine. Une petite tortue, curieuse et imprudente, monta un jour à la surface de la mer pour voir ce qui se passait là-haut. Les loups sans tête s'entre-déchiquettent, la pitié perverse encore et toujours, démoule, emmoule, remoule les évidences, plutôt crever. Massacre de loups morts quotidiens, ahuris, anesthésiés par l'effroi, grâce à l'héritage des loups penseurs, des loups bâtisseurs, un loup miracle a baisé la main d'un lépreux. Mon sang se braque sur l'idée, rien n'est établi pour toujours. Vive la violence d'amour. Bien sereine est la mer à vos rames rameurs, c'est la nef des amours. Au rythme des sirènes, chanterez nouveaux chants, ramerez en triste peine avec rames de soucis. Aurez des soupirs par paire, et par paire les douleurs, c'est la nef des amours. Et ramant tourmenté, trouverez d'autres tourments, et mers désespérées, assauts désastreux. Vous aurez vie contente, parmi douleurs majeures, c'est la nef des amours. De ramer et d'œuvrer, porterez corps meurtri, et enfin de naviguer, s'effacera le port. Quoique certain soit le mal, à vos rames rameurs, c'est la nef des amours. La grosse caisse de la fanfare à croix gammée. Dites-moi, monsieur l'interné, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui aurait pu vous sauver? Un peu d'amitié, peut-être. Nouvelle religieuse, conférence de carême, Le Monde, 1965. Bien souvent, nous sommes les débiteurs des pays en voie de développement. L'antisémitisme a coûté beaucoup de larmes et de sang. Le monde est fatigué d'une église qui ne prêche que la mort et la croix. Qui osera nier que le monde n'a jamais été plus absurde? On voit réapparaître l'idée illusoire que la paix ne peut se fonder que sur la terrifiante puissance d'armes extrêmement meurtrières. Rêve apparemment fou, la terre doit devenir progressivement le ciel. Pura. Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les Ibakusha, rescapés du picado. Le picado éclaire, boum! Pura. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite. Nausée, vertige, pura. Les Ibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé

le vide. Là où j'aurais ajouté... Et... Le vide. Il me reste toi. Le vin. La foule. L'odeur d'un cigare. Et cette nostalgie pour laquelle on devient fou. Ce sont tes yeux, ce sont tes larmes, c'est ta voix, le signal qui me rendait fou. C'est l'aube, le gel dans ta main droite, c'est toi, c'est la place, l'angoisse idiote des rendez-vous, le journal de midi, le Charleston, l'eau des genoux, la sueur des voitures, c'est ton histoire que la rue a décalquée dans ma mémoire. Tantôt dans une chambre, tantôt dans un hôtel, quelque part dans cette Europe où ils ne vivent que de pourboire, j'attends qu'on raconte mon histoire. Je suis là des persiennes que les mains ferment au premier étage. Je veux m'asseoir. Mais je veux aussi avant trouver mon paysage et que cela vienne vite, car on muse le front et les yeux. Tantôt à droite, tantôt à gauche, ma tête s'étonne. Je deviens pauvre. Plus je marche dans le pays des dieux, plus je rencontre de gueux. Plus je rêve le dimanche, et moins je vois des anges. Plus rien, mon vieux, que la solitude. Fini les cabanes en bois. L'abri, c'est le chapeau ridicule. La dernière tiédeur qui te faisait ressembler à un homme s'en va. Plus aucun souffle sur ta joue. Sa bouche, une cicatrice courante, mais des gants pour tes mains, un fouet pour les chevaux, des roues pour la neige, l'orgueil s'attelle comme les esclaves, plus d'habits, plus de lits, voilà la nuit, la nuit. Pour t'aimer, je ne te regarde pas, pour t'aimer, je ne te touche pas, pour t'aimer, je n'imagine rien. Mais j'ajoute un zéro. La boucle s'engance, la chaîne s'attache autour de ton cou. Alors seulement je peux remonter haut et violent mes genoux. Notre peau est sèche, rosâtre, incapable de plaisir. Nos os grêles sous le dôme pointu, nos poignets frêles dans l'embarras. Notre sort a besoin d'eau. Nos lèvres saisies tourbillonnent en voltige entre les voiles d'un port exquis. Nos ongles gonflent sur un fond marin. Nos coups pendent à l'ouverture de la chasse, soutenus par deux puissantes colonnades. Nous devenons inintelligibles. J'espère que ce petit mix spécial Halloween de l'Asile au Puceur vous aura fait plaisir autant qu'à moi. On a commencé par le duo et la rencontre entre Anno Lechtmann et Valerio Tricoli avec ce très bon, ces deux très belles pièces électroacoustiques The Future of Discipline publiées en vinyle par Entract. Ça sort ces jours-ci et puis on enchaînait avec deux très vieux disques, alors mais vraiment très très très vieux, et deux stars de l'Asile qui étaient de sorti tout d'abord la brillantissime Colette Mani avec le poème avec le disque qui était sorti aux éditions Mouloudji vers 1966 en compagnie des structures sonores d'André Almuro, et c'était pour marquer un peu l'anniversaire de Colette Mani qui aurait eu 90 ans en ce 31 octobre. Voilà, elle était née à Paris le 31 octobre 1926. 1986 et elle est décédée le 12 juin 1997. La Furia, Colette Magny, qui a sorti des très très beaux disques, notamment à la fin des années 60, au début des années 70, tels que l'excellent, les excellents Feu et Rythme, Répression et autres, Transit et Tanakan, sur des poèmes d'Antonin Artaud. Là, c'était des poèmes de Jill Vicente, qui étaient dits par Pierre Frillet et elle, qui lisait des articles de presse de l'époque avec un cut-up et les fameuses pièces autour de Bura Bura. Et puis on a terminé avec Pierre Henry, qui lui est un jeune gaillard de 90 et quelques balais, ou quasiment 90 puisqu'il est né en 1927 lui. Et donc Pierre Henry, avec son dernier album en date, on va dire ça comme ça, il s'agit de pièces de 1958-59, à l'époque où il a créé son premier studio d'enregistrement indépendant, Absaume, du côté de la gare Saint-Lazare. Et donc il avait été mandaté, on va dire ça comme ça, pour une édition assez étonnante des mises en musique de poèmes de gens totalement inconnus, tels que Michel Vitold, dont on écoutait L'Occident est bleu, et sur la face B, c'était L'An 56, qui est dit par cette fois Sylvia Monfort. Michel Vitold, pardon, qui disait des textes de Claude Pascal, et c'était une édition Paul Sarisson à l'époque. À l'origine, un disco-livre, voilà comme on appelait ça à la fin des années 50. Et ça a été réédité à l'été dernier d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est le dernier album en date de Monsieur Henry par les éditions Aurora Rising, qui ont rajouté d'ailleurs deux bonus, et deux très très beaux bonus en fait, du début des années 50. Les pièces Vocalise et Diffus de 50 et 1952. Ça doit être trouvable encore chez les distributeurs tels que ça. Sound Home. Je propose d'enchaîner avec une pièce, cette fois-ci de poésie, mais de poésie batave, avec l'excellent projet Naked Wolf, qui réunit Lukex aux côtés du saxophoniste Yedo Gibson et puis pas mal d'autres. Et le disque Ha-Hum, qu'on a déjà eu l'occasion de vous proposer, et qui est sorti aux éditions Clean Feed portugaises. On écoute ça tout de suite. Don't sick out, sick. Alors là, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre que ce disque Ahem des Hollandais Volants et aussi tonitruant les Naked Wolf avec ce School der Poesie. Et très très beau disque donc aux éditions portugaises Clean Feed. Voilà, je vous rappelle le concert à ne pas manquer cette semaine avec le retour de Toupidec Limonade qui ne s'était pas produit sur scène depuis 30 ans et qui jouera à Rennes au bar Le Panama, 28 rue Bigot de Préaménœux, en compagnie de Klimperaï, Madame Patate, Sacha Zerwan et aussi Dominique Grimaud qui seront de la partie, tout ça en entrée libre pour cette soirée haute en pataphysique à Rennes, donc dans le quartier Sainte-Thérèse, au bar Le Panama. Venez nombreux ce samedi 5 novembre. Et on se termine avec un dernier disque et le quatuor électroacoustique italien Luminance Ratio et un disque qui vient de sortir sur étiquette britannique Alt Vinyl, One Hand Dreaming, après des disques publiés chez Burning Machines et Bossian Records. Luminance Ratio qui est la réunion entre Luca Mauri, John Maria Aprile, Andrea Ferraris et Luca Sigurta. Ils avaient aussi sorti un split aux côtés de Oren Ambarchi, comme quoi tout se recoupe dans l'asile le plus sûr. Je vous rappelle que le programme est entièrement réécoutable, podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you. j'aime les bourgeois. Les bourgeois et les rois, car ils portent des habits de soie. Fini le temps des intellectuels de quartier, empileurs de poubelles, fouilleurs au nez borné. Fini le temps des poux, des araignées grimpantes. Moi, j'aime les bourgeois timides devant le repas du soir, la lampe tranquille de leur sourire en coin, et leurs mains brebis intimes ayant si peur de ce qui est noir. D'autres hommes, mieux faits que moi, fouettent des escargots avec des larmes de sang. Ils guillotinent des mémoires enfouies sous le sol de la Renaissance. D'autres enfants Hercule s'occupent du monde, panaille en main, comptant les molécules dont on a fait le pain. Moi, j'aime les bourgeois, les bourgeoises et les rois, car ils portent des habits de soie. Devant la cheminée, ils se consument doucement, tirant sur leur barbe grise avec des mines de savants, écoutant la vieillesse avec des douleurs de dents. Pendant que lentement, à travers mille siècles, mille formes de monde, un songe les bouleverse. Un songe de plaines antiques, de forêts pétrifiées, du gel de la commissure de lèvres aimées, une secousse les ébranle. C'est un cerf pensif sur l'aurore boréale, des fourrures tièdes à vie animale, des images diaboliques sur la neige de décembre. Et de tout cela coule un message, douce ivresse, mystère de l'homme. Car à travers la carcasse de ces empereurs du passé, il enfante des villes, des ponts, les tanières de ma race. Car à travers ces épaves dépourvues de voix, il nous fait entendre la vie de l'au-delà, le battement fidèle, le pas géant, l'ultime abri contre le néant, notre néant, le néant de notre face. Si bourgeois et rois amis que j'aime, vous n'étiez pas là. Sa gorge amoureuse, il y en a qui me saluent à main levée. Je désespère pour ces impotents que je ne peux aider, car ils jouent sur un fond d'arbre crocheté par l'oiseau moqueur. Reine basse à gorge amoureuse, le blé chante dans leur cour renversée. Ceux que tu vois soutenant les murs appuyés sur le portail des églises jalousent mon arrivée. Ils préparent des chats qui hurleront à mon passage. Ce que tu vois sur les murs sont des affiches de mauvaise foi. J'ai honte de les exploiter, mais c'est un sacrifice qu'il faut que je fasse, tant j'ai le désir d'avoir mon nom dans leur mémoire. À tout moment, j'ai l'impression de le perdre. Et vraiment, il suffit de peu de choses pour qu'à nouveau je flotte égaré entre ciel et terre, sur une mer que je n'ai jamais souhaitée, que je ne reconnais pas comme mienne, avec cet affreux bourdonnement dans les oreilles qui jamais ne me dit si c'est l'écho d'un port lointain ou le bruit de l'ancre qu'on lève. Depuis si longtemps, l'envie me poursuivait que mes jambes brûlaient comme fouettées d'ortie. Et la bicyclette, mon rhododendron, courait folle sur la route goudronnée à l'encontre du premier papillon et jaune, qui serait pour mon envie si longuement poursuivi l'offrande d'un beau jour bissextile. Il m'entoure. Qu'ont-ils à me pousser? Vais-je revivre le cauchemar des autobus? Dans leur poche trouée de mendigos de palace, Margot, mon ami, il cache des miroirs. Margot, mon ami, ces gens-là veulent ma vie, la plus horrible Margot, la vie de famille. Je ne veux pas d'une soupière dans les mains, ni d'un couteau dans la poitrine. Pour toi comme pour moi, j'ai d'autres espoirs. Si dans la poche trouée des mendigos de palace, Margot, mon ami, tu ne déverses cette histoire. Un peu de temps pour les dorures, un peu d'argent pour la voiture, et je pousserai dans les rues ce cortège de serrures qui depuis si longtemps vous intrigue. J'ai quelques amis fidèles. Le jour du défilé, ils seront tous là. Mais pour eux, ce sera triste. L'Australien, homme lointain, aura des surprises qu'ils ne reconnaîtront pas. Et tout cela pour très bientôt, pour très bientôt. Des roues voilées et hautes, formidablement hautes, sur les deux côtés. Le siège en paille. Les appuis de velours et deux singes à collier éduqués pour la cour. Et tout en haut, la gigantesque plume hochant au rythme du parcours. Un peu de temps, un peu d'argent. Juste ce qu'il faut pour que ce soit pour très bientôt. C'est ce que l'on dit lorsqu'on est jeune. Chez moi, il n'aimait pas que je désigne les objets du doigt voyant là le signe d'une malédiction précoce. Je patientais alors jusqu'à ce que l'écorce fût mûre. Puis d'une bouche féroce, j'éclatais les premières noix. Et aussitôt, Adrienne, de chaque égout, de chaque fenêtre, la nouvelle cheminette à perdre haleine. Oh, il a fait ça! Oh, il a fait ça! La phrase touchait aux persiennes, s'enroulait aux tuyauteries, tirait la chasse des cabinets, et l'eau jaillissait en confusion absolue. C'est pourquoi, Adrienne, chez moi, je vivais tant à l'étroit que mon corps poussait en file indienne. Le malheur va si vite pour nous perdre. Des cercles vicieux faisaient le tour de la ville, interdisant les échappées des tours de feu. On les voyait bien au-delà, et parfois un cri nous parvenait. Mais de droite ou de gauche, nous ne savions, car l'enfer de ce feu donnait à tous ces cris un air de raison. Qui va là ? Un regard se lève. Un vent m'accompagne, va et vient en spirale. Salut de pluie. Taiki, parvis magique, puis en coule continue. Poumons d'acier sur fer de lance, chair de corail et langue chaude, rosée, salive vagabonde, bouquet gonflé, rougi d'aurore. Baumes en délire, parfum de peur, par deux mains j'aime et je pense. Pâle de sel, luette vibrante, les artères profondes inondent les membres de la terre. Cratère en fusion, les laves me rallongent. L'œil s'est fixé sur son orbite. Géométrie de l'espace, mathématiques sans postulat. Prolonge mon émotion, l'avenir en bouillonnement s'imbrique dans le champ. Plénitude d'accordance, sans démission, terre à toi, terre à moi. L'autre est là. Bulles et soupapes, averses en ricochet, voiles et brumes écartelées. Danse la révolte, je demeure fragile, parcelle luminaire, touchée à blanc, ruminée d'espérance, flash d'harmonique. J'ai mal déplacée d'elle. Messe grise, chien et loup de l'orgueil. Je souffre et je tremble, j'apprends la ferveur. Lanterne rigoureuse, parcimonieuse. Angoissée de force, je reste face à face, sans morgue inutile. Les bouches, fleurs difficiles, ombre la nuit. Sur rail écorche l'éclosion, à volo, à voler, aveu de feu, empreinte de terre, écaille tendre, tortue à l'affût. Mystère sans cerveau, zodiac épouillé. Travelling brutal. Les gouffres s'ouvrent, les gouffres s'offrent. Tension du torse, torse du meurtre, meurtre d'intention. Misérable chevauché. À perte d'enclume, la vérité cherche sa cache. Demeure les échafauds. Plongés dans la boue, les horreurs des carrières internes deviennent vivantes. Planche anatomique innervée, que suis-je? Marée glue en mensonges familiers, les eaux cliquettes! Cœur meurtri mérite à gripper, les tueries promettent! Il n'est plus de possible recours. Les étoiles écrabouillées par les rats du ciel éjaculent leur jus d'oracle dans les creusets verdâtres de sol craquelé. Sous le feu des vomissures de Satan, le napalm des monstres imbéciles crache, explose, liquide le restant. Les armées du savoir dévastent les innocents. Les Arabes cuisent les scorpions pour le festin des stars. Fils électrifiés enserrent la vache sacrifiée, enclose et pétrifiée, boursouflée d'humeur, pis sauvagement dressée, indicateur non consulté, tumeur en mal de vie, éclate ses brûlures ouvertes. L'araignée géante et vénéneuse, faisceau de ligaments velus, attaque l'animal sacré, arrache les bandelettes et par son saccage laisse passer le vent qui sèche les plaies, oxygène la nervure de l'animal démomifié qui verse le lait d'embaume, gomme les pics et falaises. Arthur, mon frère, j'étais au Golgotha il y a 2000 ans et m'appelais comme toujours Arto. Il détestait les prêtres et dieux et c'est pourquoi j'y fus mis en croix par les prêtres de Jéhovah comme poète et illuminé, et jeté ensuite dans un tas de fumier. Socrate, crat, crat, crat. Kann kat sein, kann kat sein. Kann kat sein, kann kat sein. Comment ?